Això és Oh La La Music, el programa de música francesa a la teva emissora. Les nuits de dérive ont trouvé un miroir. Les mots s'affichent, sans discontinuer. Question-réponse en synergie diffuse, le monde immatériel a pris le pas sur la réalité. Les nuits de dérive ont trouvé un écho. Un choc léger sorti des vases clos. Le lit de nos pensées. Le lit est japonais. Nos désirs sont dictés par une chaleur exsangue. Loi invisible, menace trouble. Il y a deux agents doubles. Un loup insomniaque croît dans cercle concentré. Étreinte hypothétique. Nous sommes encerclés et les coups vont tomber. Nous sommes encerclés et les coups vont tomber. La lumière des écrans brille sans discontinuer. Obsession magnétique. Le monde alors ne dormira plus jamais. Le monde alors ne dormira plus jamais. Savoir jusqu'à présent ce qu'est exactement le rêve. Je me le demande toujours. Cependant, pour moi, le rêve est une des formes de pensée, un mode de pensée. Il me semble que dans chaque individu coexistent deux modes de pensée. Celle de pensée dirigée, de pensée qui est dirigée vers un but donné, qui est par conséquent logique, qui est cohérent. Et une autre forme de pensée, qui est une forme de pensée statique, qui est une pensée non dirigée. C'est une sorte de juxtaposition par plaque, d'image ou de quelque chose de semblable. Benvinguts a la música, el vostre programa de música en francès, amb Rafael Corbí. Avui comencem el nostre programa amb les cançons que ens porta des d'un àlbum de 2018. Aquesta artista, anomenada Barbara Carlotti, nascuda el 2 de juliol de 1974 a Clamart. Clamart és una població que està al sud-oest de París, a l'Île-de-France. Ella és una cantant que ja ens ha portat durant força anys en diversos àlbums, aquell que va debutar amb Bertrand Bourgalat, el Chansons, el 2005, i des d'aleshores aquest és el seu cinquè treball discogràfic a través d'Electra Records, que recordem avui, Magnetic, s'anomena Magnetic, i que ens aporta diferents cançons que avui anirem repassant a càrrec d'aquesta vocalista. També recordem que havia participat un dels invitats de Michel Delpech amb el seu àlbum de duos que va editar el 2006 i que va interpretar una reprise del tema Yesterday. La Barbara Carlotti ha enregistrat duos amb Arnold Turboust, amb Ken, amb Khaled Mouzanart, amb Dominica i amb Philippe Catherine i amb d'altres al llarg dels anys, i és una noia amb una veu realment interessant, molt interessant, que avui escoltarem amb alguna de les cançons, com hem dit, d'aquest disc. Hem escoltat el tema que dona nom a l'àlbum, ja veieu per on van les coses, i per tant intentarem doncs que us agradi prou aquests temes que escoltarem d'aquest disc. Benvinguts, benvingudes a la música. Champagne, cocktail, jeu de hasard, tout ce qui scintille me rend plus calme. Nos bonheurs hybrides. Gestes méthodiques, gorgées utiles, nos yeux rayonnent dans les abysses, l'abandon nous rend plus lucides. Astres noirs du moderne style tournent leur regard vers l'infini. Ne jamais danger fatal des nuits futiles. Nos yeux rayonnent dans les abysses. L'abandon nous rend plus lucides. Je sombre dans l'Éden, gracieuse ellipse synthétique, appel au jardin des délices, inonde en moi chaque seconde l'écho. Je sombre dans l'Éden, retour au primal scream. Je sombre irréel, présence ou algorithme. Inonde en moi chaque seconde l'écho. Thank you. Ce qui m'intéresse est assez spécifique. Les rythmes saccadés, les poses géométriques, les courbes, les déhanchées, extase et apogée, les grandes envolées. Quand je suis là, c'est triste, ou le stress trop intense, je m'adonne avec aisance à quelques exercices d'endurance addictive, de vrais exploits sportifs. Les grands sauts, la conquête, ce qui jaillit, c'est l'air. Moi j'aime les sports équestres, car ce qui m'intéresse avant tout, c'est la beauté. Parfois ce qui blesse, la cravache et le reste, ce que j'aime avant tout, c'est la beauté du geste. Que j'aime bien au fond, c'est la beauté du jeu. C'est pour moi ce qu'il y a de mieux, la beauté du jeu. Quand je suis seule, en els propers minuts de la música, el protagonista serà Charles Aznavour, de qui hem triat quatre temes perquè ens acompanyin en el programa del dia d'avui. J'aime Paris au mois de mai, quand les bourgeons renaissent, qu'une nouvelle jeunesse s'empare de la vieille cité qui se met à rayonner. J'aime Paris au mois de mai, quand l'hiver le délaisse, que le soleil caresse ses vieux toits à peine éveillés. J'aime sentir sur les places, dans les rues où je passe, ce parfum de muguet que chasse le vent qui passe. Il me plaît à me promener par les rues qui se faufilent à travers toute la ville. J'aime Paris au mois de mai. J'aime le vent qui m'apporte des bruits de toutes sortes et les potins que l'on colporte de porte en porte. Il me plaît à me promener en souriant aux filles dans les rues qui fourmillent. J'aime Paris au mois de mai. Paris au mois de mai, avec ses bouquinistes et ses aquarellistes que le printemps a ramenés

tête déhanchée sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille de casquette. Ce n'est pas ça que dans son cœur te vieillira. L'amour et la jalousie ne sont pas des jeux d'enfant. Et tu as toute la vie pour souffrir comme les grands. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments, ne le garde pas pour toi. Va le dire à ta maman, les mamans c'est fait pour ça. Elle a blotti dans l'ombre douce de ses bras. Pleure un bon coup et ton chagrin. Hem escoltat a Dalida després de Charles Aznavour perquè tenien una certa relació. Recordem que la Dalida va debutar el 1956 amb la cançó, la primera que van registrar, Madonna, una versió en francès d'un èxit d'Amàlia Rodríguez. Bambino, que la que hem d'escoltar, va ser la cançó que va seguir un dels seus grans èxits de sempre, una traducció d'una cançó napolitana, El Guaglione, composta per Marino Marini. En principi, aquesta cançó l'havia d'enregistrar la Gloria Lasso. Lucien Moïse, en director de programació de Ràdio Europa 1, li va fer gravar aquesta cançó en una nit i l'emissora la va posar constantment. La Dalida va aconseguir un disc d'or. Després, al març del 1957, va ser quan es va presentar al gran públic al Teatre Olímpia de París, acompanyant en primer terme Charles Aznavour i després, al setembre, a Gilbert Bécaud. Escoltem un parell de cançons més d'aquesta gran artista, la Dalida, Come Prima i Gondolier. Cançons inspirades en Itàlia, segurament, eh? C'est ta bouche qui m'apporte ma joie de vivre. Et ma chance, c'est de vivre rien que pour toi. Que m'importe si tu m'aimes moins que moi. Moi, je t'aime comme on aime qu'une fois. Et je reste prisonnière, prisonnière de tes bras. Comme prima tu me donnes tant de joie. La notte come allora magica scende, la luna splende e tu sei qui. Mi sento un po' confusa, non so capire. Accarezzarti, le tue mani fra le mani stringere ancora, come prima tu me donnes chaque jour, come prima tu me donnes ton d'amour, que j'espère te le rendre conteureuse dans tes bras. Prima tu me donnes come prima tant de joie. était écrit pour la vie. Je reste là, seul et perdu. pires heures de l'enfance. J'ai peur de l'hiver et du froid. J'ai peur du vide et de l'absence. Tu t'en vas. Soudain pour moi tout s'assombrit. Le monde n'est qu'incohérence. J'ai peur de toi, j'ai peur de moi. J'ai peur que vienne le silence. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, Recte final del nostre espai, després d'haver escoltat la música de Dalida amb les cançons que ens acompanyaven, Bambina com a prima i el Gondolier, hem decidit incloure un parell de temes d'aquests clàssics, però en duets. Des del 1973, Alain Berger i Noël Cordier amb Tu te'n va, i també el GTM, Monum Plou, interessantíssim, meravellós, recordadíssim, des del 1967, amb Brigitte Bardot i Serge Gainsbourg, que ens portaran a la Music, records d'una època ja molt, molt passada. Je t'aime, oh oui, je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour. Comme la vague. Je vais et je viens entre tes reins. Je vais et je viens entre tes reins et je me retiens. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour. L'amour physique est sans issue. Je vais et je viens. Fins aquí Olala per aquesta setmana. Ens retrobem properament. Salutacions de Rafael Corbí. Que passeu una molt bona setmana. Je vais et je viens.